Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salam, ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi, wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawm al-din, amma ba'd. Taïb, nous voici l'an fi rad ala shubuhat ha'oulaï. Dans le dernier précédent, on a déjà pris les trois premières shubuhat qu'ils avaient, qui étaient les principales. Et par la suite, tamam, comme l'auteur l'avait expliqué, elles seront plus faciles. Et vous voyez bien, là il fait un rad mufassal. C'est-à-dire, il répond shubuhat par shubuhat. S'il te dit cela, alors toi dis-lui ceci. S'il te dit ceci, alors toi dis-lui cela, et ainsi de suite. Là, c'est mufassal, c'est point par point. Après qu'il ait donné le jawab al-mujmal. Faqal al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Fanqala ana la a'budu illa Allah. Wa hadha al-ilja' ou hadha al-iltija' ila as-salihin wa du'a'uhum laysa bi'ibada. Il dit, moi, je n'adore que Allah. Et ce retour, le fait que je me tourne vers ces salihin et ces invocations, le fait que je les invoque, cela n'est pas une adoration. Donc voilà en compte de leur shubuhat. Pour y voir que le fait de se tourner vers ces asnam et les du'a qu'ils font ne sont pas d'adoration. Donc l'auteur dit la réponse. فَقُلْ لَهُ أَنْتَ تُكِرُّ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكَ إِخْرَاصَ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكَ. فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Donc maintenant toi tu lui réponds quoi? Tu lui dis, est-ce que tu reconnais que Allah t'a imposé de l'adorer en toute sincérité, c'est-à-dire de ne le vouer un culte exclusif qu'à lui, que c'est son droit sur toi. S'il te dit oui, alors dis-lui, Tayyib, c'est quoi ce culte que Allah SWT t'a imposé de le vouer seul, qui est son droit? T'as même, c'est quoi la ibada, en fait? Donc s'il ne sait pas c'est quoi la ibada et ses catégories, parce que la ibada c'est quelque chose de large, et vous le savez, comme quand le Cheikh Al-Islam Taymiyyah, huwa ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wa batina. C'est un nom qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée comme paroles et actes qui soient apparents ou cachés. Donc, il dit, s'il ne sait pas, alors toi, dis-lui la parole d'Allah dans le sens où il dit, et invoque ton Seigneur de façon apparente et cachée. Et certes, il n'aime pas ceux qui s'opposent. Donc là, qala ud'u rabbakum, invoquez votre Seigneur. Donc là, le dua, qu'est-ce que c'est? C'est une ibada. Donc le dua est une ibada. Donc, comme quand le shir al-famin, wa idha kana ibadat fa inna dua ghayrillah yakunu shirkan billah. وعلى هذا فالذي يستحق ان يدعى ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك له. Donc le dua c'est une ibada. Donc celui qui fait un dua pour autre que Allah, tamam, qu'est-ce qu'il aura fait? Du shirk. Et bien sûr, on a expliqué au début du livre les différentes catégories de dua. Il y a dua mas'ala, dua ibada. Dua ibada wa kulluhu lillah. Wa dua al-mas'ala, on a expliqué qu'il y a des catégories. Ça dépend si tu es fais un dua pour quelqu'un qui est en mesure de faire ce que tu attends de lui, qui est vivant, qui t'entend et qui est en mesure de te répondre. On a expliqué ça au début. Donc celui qui aura fait ce dua pour autre que Allah, qu'est-ce qu'il aura fait? Du shirk. Car c'est Allah seul qui mérite d'être invoqué, de qui on doit espérer seul, sans associer. فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهَذَا فَقُلْ لَهُ هَلْ عَلِمْتَ هذا عبادة لله فلابد أن يقول نعم والدعاء مخ العبادة فقل له إذا أكررت أنك أو فإذا أكررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في ذلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره فلابد أن يقول نعم فقل له إذا علمت بقول الله عز وجل فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له فهل هذه عبادة فلابد أن يقول نعم فقل له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله فلابد أن يقول أن يقر ويقول نعم. Donc il dit, si tu lui as appris cela, maintenant qu'il a su cela, ce qu'on a su auparavant, dis-lui, est-ce que cela est une adoration pour Allah, surtout par rapport au verset, il sera obligé de te dire oui. Et dis-lui, la dua, c'est mukh al-ibada, c'est le cerveau de l'adoration. À la base, ce hadith, comme vous savez, il est faible. Le hadith al-sahih, huwa al-dua huwa al-ibada. La vocation, c'est l'adoration. Donc il lui dit, si tu as reconnu que c'est une adoration, et que tu invoques Allah nuit et jour, par peur et par convoitise. Ensuite, tu vas invoquer pour ses besoins un prophète ou autre. Est-ce que tu auras associé Allah dans l'adoration? Il sera obligé de te dire oui. Après, tu lui dis, si tu as su la parole d'Allah, en lui disant dans le sens où Allah dit, et pour ton Seigneur, fais la salat et sacrifie. Pas même, sacrifie. Donc tu auras obéi à Allah, tu auras sacrifié pour lui. Est-ce que cela est une adoration? Il va te dire oui, obligatoirement. Donc dis-lui, si tu sacrifies pour une créature, un prophète ou un djinn ou autre que les deux, est-ce que tu auras associé, pas même, est-ce que tu auras associé cette adoration pour toi que Allah? Il sera obligé de te dire oui. Car le shirk, al-ta'alif al-am, wa yakun kazalik, c'est le fait de ton adoration pour toi que Allah. Wa yakun kazalik, c'est le fait d'invoquer Allah ou d'invoquer autre que lui, avec lui, ou peut-être même sans lui. Car tout cela, à la base, revient à lui. Donc tu auras pris ce qui revient à Allah, tu l'auras appliqué à autrui, donc tu auras associé. En ce qui revient à Allah, seul, tu l'auras attribué à autre que lui. Donc là, ça s'appelle association, tu auras fait partager la chose. Et ce partage est interdit en religion. Bilkulliya mutlaqa. Donc là, l'auteur, alhamdulillah, pas besoin d'expliquer, les paroles de l'auteur, alhamdulillah, elles sont claires. Et Cheikh Othaymine, là, comme je l'expliquais dans le livre, il ne fait que revenir avec les termes de l'auteur, avec des phrases un peu plus longues, mais c'est la même chose qu'il dit. Donc, alhamdulillah, il n'y a pas besoin de les reciter. La qu'a'ala al-mu'allifu, rahmallahu ta'ala. Et regardez bien comment l'auteur vous apprend à pouvoir débattre avec l'opposant. C'est pouvoir lui faire reconnaître la chose telle qu'elle est. S'il ne la reconnaît pas, tu donnes la preuve. S'il refuse, c'est qu'il refuse la preuve, là, c'est un obstiné. Et s'il accepte la preuve, donc tu lui dis, regarde, tu le contrains en fait. Tu le contrains. Ça, c'est la meilleure des choses. Et les gens sincères reconnaissent. Et au minimum, il va se taire. Ou peut-être, si vraiment il est mauvais, il pourra te faire du mal. Faire attention, t'en as, ils sont violents. T'as des gens, ils font du shirk, de la bid'a. Quand tu leur dénonces leur erreur, ils peuvent devenir violents. Faut faire attention aussi à ça. فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك فلابد أن يقول نعم فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيده تحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجاه إليهم l'iljah wa shafa'a wa hadha dhahir jiddan. Donc dis-lui également à cet opposant, les mushrikoun sur lesquels le Coran est descendu, est-ce qu'ils adoraient les malaïka et les salihin et l'at et autres? Il te dira oui, ils adoraient ceux-là et autres que eux. Il sera obligé de te dire oui. Car là on explique bien, on parle à quelqu'un qui dit la la ilaha illallah. Là on parle à quelqu'un qui se dit musulman là maintenant là. Là c'est pas un débat avec un hindou ou avec un bouddhiste. C'est un débat avec quelqu'un qui dit la ilaha illallah, qui fait salat. Peut-être même qui fait le hajj. Tamam? Qui sort la zakat. Qui fait siyam. Là on débat avec quelqu'un qui s'apparente à l'islam. Donc il lit le Coran. Donc il sera obligé de te dire oui. Après tu lui dis, est-ce que ces adorations qu'ils faisaient n'étaient que la vocation, que le sacrifice, ou que le retour vers eux? Alors qu'ils avaient, ils reconnaissaient qu'ils étaient les serviteurs d'Allah, sous son contrôle et sous sa domination, et que c'est Allah qui contrôle les choses. Mais cependant, ils se tournaient vers eux et les invoquaient, pourquoi? Pour leur rang, en vue d'obtenir cette shafa'a, et cela est apparent clairement dans le Coran. Donc lui, qu'est-ce qu'il pourrait te répondre par là? Le chien va te le dire. Après cela, Yaqul, فإن قال أتنكر الشفاعة أو شفاعة الرسول وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا تبرأ منها ولا تبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال الله تعالى كل لله شفاعة جميعا. Donc lui peut te dire maintenant pour contester, est-ce que tu renies la shafa'a de Rasulillah? Est-ce que tu t'en désavoues? Toi tu lui dis, non je ne la renie pas, je ne m'en désavoue pas. Et je dis même qu'il est l'intercesseur, sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on accorde d'intercéder. Et j'espère sur l'intercession. Cependant, l'intercession entière n'est que à Allah. Dans le sens Allah il dit que ce n'est qu'à Allah qu'appartient toute intercession. Donc là, comme le shir il le dit par la suite, shir al-Faymin, il te sort une shubuhat là, pour t'emmener là où il veut. Car lui, il veut te quoi? Te contraindre à reconnaître qu'il sera permis d'invoquer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si tu reconnais la shafa'a, alors il va te contraindre, plutôt il va essayer de te contraindre à reconnaître qu'il faut que tu la demandes au messager. Si tu veux sa shafa'a, il faut que tu lui demandes à lui. Donc il va vouloir que tu lui permettes d'invoquer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi, tu nous dis bien que la shafa'a, tu la reconnais dans le Coran. Celui qui refuse la shafa'a avec un ta'wil, comme c'est le cas, mathalan, des khawarij, tombe dans l'égarement. Il peut aller même jusqu'au kufr. Taïeb. Donc tu lui dis, je reconnais la shafa'a, mais cette shafa'a, elle n'est que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est à lui qu'elle revient pleinement. D'accord, là, le mu'allifu. Wa la takunu illa min ba'di iznillahi ta'ala, comme qu'on l'a ta'ala. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يذن الله فيه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Donc il dit cette shafa'a ne peut avoir lieu qu'après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit, dans le sens, et qui donc intercède auprès de lui, ce n'est sans sa permission. Donc personne ne peut intercéder pour personne, si ce n'est après que Allah l'ait autorisé. Comme dans le sens Allah, il dit, et il n'intercède que pour qui l'aura agréé. Tamam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée que le tawhid. Il n'agrée que l'islam. Dans le sens où il dit, et celui qui recherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui. فمن هنا نذكر أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. Cette شفاعة n'a lieu qu'avec deux conditions. الشرط الأول الإذن. Première condition, la permission. Que Allah le permette. Tamam. الشرط الثاني أن يرضى الله عن الشافي والمشفوع له. Que Allah il agrée celui l'intercesseur et l'intercédé, celui pour qui on intercède. Donc cet intercesseur et cet intercédé, celui pour qui on intercède, ne peuvent être que des muslimouns. Le mot shirik, c'est pas accepté de lui. Comme a dit Allah, إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. Que si jamais vous mécroyez, que Allah se passe de vous et qu'il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Donc Allah, la yardo an al-kufr, il n'agrée pas cela. Donc le kafir, il n'y a pas de shafa'a pour lui. La seule shafa'a qu'on a entendue, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Abu Talib, et ce n'est qu'une shafa'a de tarfif. Et elle est khas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que lui qui a pu la faire, juste pour son oncle, et c'est juste que son châtiment lui sera amoindri. C'est tout. Mais quoi qu'il en soit, il restera au feu éternellement. Wali'azu billah. فالآن يقول المؤلف فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يذن الله له أو فيه ولا يذن إلا لأهل التوحيد تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه وأقول اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه fiya wa amthal dhalika. Donc si la shafa'a tout entière n'est que pour Allah et qu'elle n'a lieu qu'après son autorisation, et que seul, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut intercéder pour personne, ni lui, ni autre que lui, pour personne, si ce n'est après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'accepte que pour les gens de Tawhid, alors tu sauras que la shafa'a entière n'est que pour Allah. Que c'est lui qui l'a décrété, c'est lui qui l'autorise, et c'est lui qui agrée. Donc tout ne revient que à lui. Toi, la shafa'a, tu la recherches dans Allah subhanahu wa ta'ala directement, c'est lui que tu invoques. Et c'est pour Allah que tu fais les causes. Car la shafa'a s'obtient, il y a des causes pour la faire. Des causes légifères, des ibadas. Ces ibadas sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Des do'as en particulier. Alors dis, oh Allah, ne me prive pas de sa shafa'a, c'est-à-dire celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, fais-le intercéder pour moi. Et autres parmi les paroles qui y ressemblent. Naam. Enfin, aujourd'hui, on va s'arrêter là également. Alhamdoulilah. On a pris encore quelques shubuhat que ces gens donnent pour pouvoir se permettre d'invoquer leur aoulié comme ils le prétendent. Et qu'eux différencient. Ils pensent qu'il y a une différence entre le fait d'invoquer Al-Wali Fulani fi Qabrihi et d'invoquer un sonam. On dit ce Wali Fulani dans son Qabr, c'est un sonam. À ton stade, à toi. Et les chrétiens, c'est ce qu'ils font. Yad'ouna Isa wa Ummahu. C'est la même chose qu'ils font. Donc pas de différence dans les actes que tu commets. Fabiadakod naktafi wa nakul alhamdulillah rabbil alamin.